لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، ولأهل النار من أهل الجنة، ولأهل الجنة بعضهم من بعض، ولأهل النار بعضهم من بعض. Il faut avoir foi au châtiment, qisas, le jour de la résurrection pour toutes les créatures. Salut. Il a manqué au châtiment. Après, on rectifie ça. Être humain, Bani Adam, reptile, bête de proie et les fourmis entre elles, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal tranche pour les uns envers les autres. Les gens du paradis et les gens de l'enfer, les gens de l'enfer et les gens du paradis, et les gens du paradis les uns envers les autres, et les gens de l'enfer les uns envers les autres. الشرح. سبق أن الله يبعث الخلق يوم القيامة للجزاء على الحسنات والسيئات بالنسبة لبني آدم. Donc, الشيخ رحمه الله dit que on a déjà parlé auparavant comme quoi les créatures, le jour de la résurrection, elles vont être ressuscitées pour être récompensées selon leurs bons ou mauvais actes. Ça, c'est concernant les enfants d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Walil qisas binisbati aydan li bani Adam ou lil bahaim. Et également, qisas, kif tarzama? Ils ont dit châtiment. Châtiment. C'est-à-dire que le mal, il va être rendu par le mal, c'est la loi du talion, aussi bien pour les enfants d'Adam, pour les êtres humains, que pour les animaux. Les animaux qui se sont causés du tort les unes contre les autres, elles vont se rendre ce tort-là, yom al-qiyam. Al-baha'im tub'athu lil-qisas faqat. Al-baha'im, les animaux, elles vont se rendre compte également le jour de la résurrection. Banu Adam yub'athu lil-jaza wa lil-qisas fima baynahum. Et les êtres humains, aussi bien pour être récompensés, en bien ou en mal, que pour rendre les injustices qui se sont causées les uns envers les autres. قوله والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع وللبهائم. La foi au châtiment, قصاص, le jour de la résurrection entre toutes les créatures, être humain, reptile, bête. كلهم تبعث للقصاص. Toutes ces créatures-là vont être ressuscitées et vont se rendre les comptes. أما البهائم فإنها إذا اقتص لبعضها من بعض ينهى أمرها فتكون ترابا. Concernant les animaux, il n'y a pas d'enfer de paradis pour les animaux, mais une fois qu'elles se sont rendues, elles se sont rendues les injustices les unes envers les autres, elles deviennent poussière. وأما بنو آدم فعلى فريقين. Par contre, les enfants d'Adam, c'est pas pareil. فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير. Deux catégories. Certains vont terminer au paradis, certains vont terminer dans la fournaise, dans l'enfer. ولا يموتون بعد ذلك أبدا. Il n'y a pas de mort après cela. Khalidouna, mukhalladouna, imma fil jannah wa imma fil nar. Ils vont rester éternels, soit au paradis, soit en enfer. Qawluhu hatta lidhurrati min adh-dhurra. Ou lidhurrati min adh-dhurra plutôt. Les fourmis entre. Les fourmis. Hatta lidhurra, wa hiya namlatu as-saghira min adh-dhurra, yuqtassu li ba'dihha min ba'd. Donc il dit adh-dhurra, c'est la petite fourmi. Même les petites fourmis, elles vont se rendre les injustices qu'elles ont fait les unes envers les autres. لأن الله لا يقر الظلم أبدا. Car Allah n'accepte pas l'injustice de qui qu'elle provienne. لأنه أحكم الحاكمين وهو الحكم العدل. Pourquoi? Parce que Allah, c'est le plus sage des sages et c'est le meilleur des juges. فلا يقر الظلم. Donc c'est celui qui juge avec équité. Il n'accepte pas l'injustice. حتى بين البهائم والذر يوم القيامة يبعثها ثم يقتص لبعضها من بعض. Même les animaux entre eux, ils vont se rendre les injustices qu'ils ont fait les uns envers les autres. واما المؤمنون فاول ما يقضى بينهم يوم القيامه في الدماء من حقوق الناس. Donc par contre, les croyants, donc les enfants d'Adam, les mu'minin, les croyants, la première chose sur laquelle ils vont être jugés, ce sera sur le sang. حقوق الناس. Ça, c'est à propos des droits des gens. ويختص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط وقبل أن يدخلوا الجنة. Et cela, c'est avant de passer le sirat et avant d'entrer au paradis. يوقفون ويختص لبعضهم ويقتص لبعضهم من بعض بعدما يتجاوزون الصراط. Après avoir passé le sirat, donc le grand pont, et avant de passer le qintara, la passerelle qu'il y a avant le paradis. وقبل أن يدخلوا الجنة, avant de rentrer au paradis. يوقفون ويقتص لبعضهم من بعض. Donc ils vont s'arrêter, on va les arrêter après le sirat, et ils vont se rendre compte les uns envers les autres. فإذا هذبوا ونقوا, هذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية dans الواسطية, quand ils vont être purifiés, hein, et on va leur filtrer yani, tout ce qu'ils ont fait de mal, etc., les injustices qu'ils ont fait les uns envers les autres, quand ça va être traité, أذن لهم بدخول الجنة, on leur autorisera de rentrer au paradis. لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة أبدا. Personne ne rentrera au paradis alors qu'il a encore à son égard des injustices envers des personnes quelconques. لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا الطيبون الذين ليس عليهم حساب ولا تبعات لأحد ولا ذنوب. Il dit le paradis c'est la demeure des bons, et ne rentrera dans cette demeure, dans cette bonne demeure, que les gens qui sont bons, qui n'ont pas quoi que ce soit comme redevance envers qui que ce soit, et qui n'ont pas de péché sur leur scribe. حتى المؤمن العاصي يعذب في النار بقدر معصيته. Même le croyant qui était pécheur, المؤمن qui était pécheur, il va être châtié en enfer selon le péché qu'il a fait. أو أن الله يعفو عنه بمشيئته. Soit cela, soit Allah lui pardonne son péché. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sourate An-Nisa verset 48. Sourate 4 verset 48. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Il pardonne en dessous de cela à qui il veut. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه حتى يمحصه ويخلصه من الذنوب. Donc si Allah veut, il lui pardonne. Et si Allah veut, il le châtie selon les péchés qu'il a fait, jusqu'à ce que yumahissahu, c'est-à-dire que il va lui enlever toutes les mauvaises choses qu'il a. Wa yukhallisahu min adh-dhunub. Il va le filtrer complètement, lui enlever tous les péchés qu'il a encore sur sa personnalité, qui sont rattachés à lui. Thumma yadkhiluhu al-jannah. Après cela, il le fera rentrer au paradis. Fala yadkhulu al-jannata illa ahadun naqiyun. إما بالقصاص وإما بالتعذيب. Ne rentrera au paradis que quelqu'un qui est totalement propre et pur, soit بالقصاص, c'est-à-dire qu'on aura pris de ses hasanat s'il a fait des injustices envers une personne quelconque, ou alors بالتعذيب, c'est-à-dire que va être châtié la durée qu'il faut pour cela. قوله حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار ولأهل النار من أهل الجنة. Jusqu'à ce qu'Allah Azzawajal tranche pour les uns envers les autres, les gens du paradis et les gens de l'enfer, les gens de l'enfer et les gens du paradis. حتى المؤمن إذا ظلم الكافر فإنه يقتص للكافر منه يوم القيامة. Même le croyant qui a fait du tort ou qui a été injuste envers un mécréant, eh bien, ils vont régler leur compte يوم القيامة. Chacun va prendre son droit. والعكس الكافر إذا ظلم المؤمن يقتص للمؤمن يوم القيامة. Le contraire pour le contraire. C'est-à-dire le kafir qui a causé une injustice quelconque à un mu'min, le jour de la résurrection, il va récupérer son droit également. فَلَا أَحَدَ يُتْرَكُوا عَلَيْهِ مَظْلَمَةً. Personne ne va être délaissé comme cela, sans, alors qu'il a encore des injustices qui sont rattachées à lui. وَحَتَّ الْمُؤْمِنَ يَقْتَصُ مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِ. Également, le mu'min qui a fait du tort au mu'min, il va récupérer son droit. Concernant la parole de Cheikh ici au début, وَهُوَ أَوَّلْ المؤمنون فأول ما يقضى بينهم يوم القيامة في الدماء. الشيخ il a dit من حقوق الناس, parce que les savants disent que la première chose, le hadith, أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. Ils ont dit الصلاة من حقوق الله, أما الدماء من حقوق الناس. Concernant les droits d'Allah, la première chose sur laquelle tu vas être jugé, c'est la prière. Si elle est bonne, on va regarder le reste de tes actes. Si elle est mauvaise, on ne regardera même pas le reste de tes actes. Par contre, ici le Cheikh il a cité le sang, c'est ça, c'est concernant les droits des gens. Quand tu fais couler le sang d'une personne sans en avoir le droit, donc tu es injuste. Tu as été injuste à son égard. Donc la première chose sur laquelle les gens vont être jugés le jour de la résurrection parmi les droits des gens, c'est le sang. Et la première chose sur laquelle les gens vont être jugés le jour de la résurrection parmi les droits d'Allah, c'est la prière. Allahu a'lam. Ana li na'rfoum kalam al-ulama, comment ils ont réuni les deux textes, ils ont dit ça. Ils ont dit les droits d'Allah, c'est le salat, et les droits des gens, c'est le sang. Ilmu indallah. قال المؤلف رحمه الله وإخلاص العمل وإخلاص العمل لله. La pure sincérité et l'ikhlas dans les actions pour Allah. إخلاص العمل لله ألا يكون فيه شرك. Sincérité dans les actions pour Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un quelconque vouloir d'autre qu'Allah, d'autre, l'agrément d'autre qu'Allah, pas de polythéisme, pas de shirk. Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan li wajhihi laysa fihi shirk. Allah n'accepte des actes que ce qui est purement et sincèrement voué pour lui. Wa hadha ahadu shartay qabul al-amal. Donc il dit ça c'est une des deux conditions d'acceptation des actes. D'acceptation des actes. N'importe quel acte que tu fais dans la religion, n'importe quelle adoration que tu fais, il faut deux conditions principales pour que ton acte y soit accepté. La première c'est celle-là, c'est qu'elle soit sincèrement vouée pour Allah. La deuxième, الشرط الثاني المتابعة والعمل بالسنة. Deuxième condition c'est المتابعة والعمل بالسنة, c'est-à-dire le fait d'être en concordance avec la voie, la manière d'agir et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. بأن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله sallallahu alayhi wa sallam, que l'acte y soit en totale conformité avec la voix du messager alayhi salatu wa salam. Fala yakunu fihi bid'a, il faut pas qu'il y ait une quelconque innovation dans ton acte. Lian Allah la yaqbalu al-bid'a, car Allah n'accepte pas les innovations. Les innovations, c'est-à-dire les choses qui sont insérées dans la religion qui n'y existent pas en réalité. Lian Allah la yaqbalu al-bid'a bal yu'aqibu 'alayha. Au contraire, Allah il châtie pour l'innovation. Il veut pas qu'on introduise dans sa religion quoi que ce soit qui n'existe pas. Walaw atba' al-insanu nafsahu bi'amalin ولو أتعب الإنسان نفسه بعمل لم يخلص فيه لله فإنه هباء منثور. Si la personne elle se fatigue à faire des actes, un acte ou des actes dans à propos duquel il ne sera pas sincère, cet acte va partir هباء منثور, c'est-à-dire il va partir en poussière, منثور éparpillé, il va partir en poussière éparpillé. ولو أتعب, comme c'est venu dans sourate al-Furqan, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو اتعب نفسه في عمل على غير موافقه السنه فانه مردود. La personne qui se fatigue à faire un acte qui est non conforme à la sharia, non conforme à la sunna du messager, également ce sera rejeté. ولا يقبل الا بهذين الشرطين, n'importe quel acte que tu fais faut qu'il soit sincèrement voué à Allah et il soit sur la sunna du messager, conforme à la sharia, à la législation du messager sallallahu alayhi wa sallam. الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى نقض لنفيهم, يعني يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة 2 verset 111 et 112. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, ils ne seront point attristés. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit: "Man aslama wajhahu lillah wa akhlasa 'amalahu lillah." Man aslama, quiconque soumet à Allah son être, c'est-à-dire qu'il est sincère dans ce qu'il œuvre. Wa huwa muhsin, dans le verset, tout en faisant le bien. En faisant le bien, متبع للرسول صلى الله عليه وسلم من كل أحد من اليهود من النصارى من سائر العالم بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. Donc quelqu'un qui suit le messager صلى الله عليه وسلم, n'importe qui suit le messager, qui est sincère et qui suit le messager conformément, il réunit ces deux conditions, son acte il sera valide auprès d'Allah. قال المؤلف رحمه الله والرضا لقضاء الله. L'agrément, l'acceptation des décrets d'Allah. Donc, avoir la ferme conviction sur le destin, bon soit-il ou mauvais. C'est un des piliers parmi les six piliers de l'iman. Les six piliers de l'iman, de la foi, c'est quoi? Antu'mina billah, tu crois en Allah, tu crois, c'est-à-dire de manière ferme et certaine. Wa mala'ikatih, en ses anges. Wa kutubih, les livres qu'il a révélés. Wa rusulih, les messagers et prophètes qu'il a envoyés. وتؤمن بالقدر خيره وشره واليوم الآخر طبعا الشيخ لا باسيتي لكن يدخل في الأركان الستة. Donc le jour dernier est que tu crois au destin, bon soit-il ou mauvais. رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو أن تعتقد بأن الله قدر الأشياء وقضاها سبحانه وتعالى في الأزل. Donc c'est que tu aies la ferme conviction comme quoi Allah il a prédestiné chaque chose. il l'a voulu et prédestiné fil azal. El azal, c'est-à-dire à l'infini, à l'avant. Allah, il n'a pas de début. Donc, à l'infini, à l'avant, fil azal. Wa katabaha fil lawh al mahfouz. Il l'a écrit dans il l'a écrit dans la tablette préservée. Wa khalaqaha wa awjadaha bi mashi'atihi subhanahu wa ta'ala. Il a khalaqaha wa awjadaha. Donc il l'a créé. Il lui a donné existence. Awjadaha min al-ijad, hein? Min al-ijad bi mashi'atihi, avec sa volonté. Subhanahu wa ta'ala. Fal iman bil qada' wal qadar yatadammanu arba'a maratib. Donc la foi au destin, al qada' al qadar, il contient quatre étapes comme on l'a vu plusieurs fois. المرتبة الأولى لبرمير مرتبة العلم وهو أن الله علم بعلمه الأزلي الأشياء قبل وجودها. Donc Allah il a su ce qui allait se passer à l'avenir, il l'a su à l'infini, à l'avant, avant que ça n'existe. المرتبة الثانية, deuxième étape, الإيمان بأن الله كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل وجودها. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Donc la deuxième étape, c'est le fait de croire fermement que Allah il a écrit sur la tablette préservée auprès de lui chaque chose avant son existence. Comme conformément au verset, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre que nous avons que avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile à Allah. Surat 57, le faire, verset numéro 22. المرتبة الثالثة, troisième étape, الإيمان بأن الله أراد وشاء هذه الحوادث. Troisième étape, c'est le fait qu'Allah il a voulu que ces choses-là se passent. Il a voulu que le كفر والإيمان والطاعة والمعصية والبر والبر والفجور والخير والشر كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية. Allah il a voulu que la mécréance elle existe et que l'Iman il existe, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont mécréants et des gens qui sont croyants. Il a voulu que l'obéissance elle existe, les choses qu'il aime, les choses qu'il nous a ordonné de faire, et que le péché, la désobéissance, elle existe. Il a voulu que la bonté et les bonnes choses existent, et que la turpitude et les mauvaises choses existent. Et toutes ces choses-là, il les a voulu. كل ذلك شاءه الله وأراده بإرادته الكونية. Donc, toutes ces choses-là, Allah il les a voulu. Al-Mashi'a, c'est la volonté universelle. Quand on trouve dans le Coran, Al-Mashi'a, c'est la volonté d'Allah universelle. Al-Irada, il y en a deux sortes. C'est pour ça que Cheikh ici dit wa aradahu bi iradatihi al-kawniyya. Allah, il a voulu que dans cet univers existe le bien et le mal. Fala yaqa'u fi mulkihi ma la yurid. Ne se passe pas dans son royaume, dans ce qu'Allah il a créé, qui lui appartient, quelque chose qu'il n'agrée pas ou qu'il ne veut pas. Qu'il n'agrée pas, c'est-à-dire dans le sens qu'il n'a pas voulu que ça existe. Il y a une différence entre Mashi'a et l'Irada. Oui. Mashi'a, c'est l'Irada al-Kawniya. Et l'Irada, il y a l'Irada al-Kawniya et l'Irada al-Shar'iya. Lakin arada al-khair wa arada al-iman wa arada al-shar li-hikma. Allah, il a voulu que le bien il existe, que l'Iman il existe, que le mal il existe. Wa lil-ibtila wa lil-imtihan. C'est tout ça, c'est également pour tester et éprouver ses créatures. Fallahu arada al-khaira wa huwa yuhibbuhu wa yardah. Allah il a voulu que le bien il existe et il aime le bien et il l'agrée. Il a voulu que le mal il existe et il n'aime pas le mal et il ne l'agrée pas. Allah il a voulu que ces choses là existent pour une sagesse qu'il a auprès de lui et pour éprouver ses créatures. Là où il n'y a qu'un illa khayran lama sara li ahadin miza. S'il n'y avait que le bien sur terre, personne ne se différencierait de quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas de distinction entre les gens. Il n'y a que le bien, tu peux faire que le bien, tu peux dire que du bien. Il n'y a pas de distinction entre hada et hada. Wala sara huna kabtila ou numtihan. Les gens ne pourraient pas être éprouvés par différentes choses. Sara nas ou kulluhum akhyara. Tous les gens, ils sont bien, tous les gens, ils sont sur la droiture. Wala yamakun illa sharrun ma sara li ahadin miza bil amal salih. Et le contraire pour le contraire. S'il n'y avait que du mal, il n'y aurait personne qui se distinguerait de quelqu'un d'autre. Personne ne se distinguerait à travers de bons actes, de bonnes paroles, de bons agissements, etc. فَهَذَا يُعْطِي أَنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ لِيَتَبَيَّنَ الطَّيِّبُ مِنَ الْخَبِيثِ. Tout ça, c'est une épreuve de la part d'Allah pour qu'il éprouve ses créatures, pour que le bon se distingue du mauvais. وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْكَافِرِ. le croyant se distingue du mécréant. Wa huwa ibtilaa'un wa imtihan yujrihi 'alayhim subhanahu wa ta'ala lam yakhluq hadhihi al-ashya'a 'abathan. Allah, il a fait en sorte que ces choses soient existantes et il n'a pas créé ces choses-là 'abathan. Il n'a pas créé ces choses-là sans but, sans raison, sans sagesse derrière. Hadi al-martaba al-thalitha. Donc la première martaba, on a dit c'est quoi? Al-ilm. Allah, il a su ces choses-là. Ensuite la deuxième c'est Al-Kitaba, il les a écrites. La troisième c'est Al-Irada, hein? Comme quoi Allah il a voulu ces choses là c'est pas des choses qui se sont passées sans son accord, sans sa volonté. Et la quatrième et dernière étape Al-Martabatu al-Rabi'atu al-Khalqu wal-Ijad, la création de ces choses là Wa kullu shay'in yahduthu fallahu khaliquh, chaque chose qui se passe c'est Allah qui l'a créé. Wa af'alu al-ibad makhluqa lillah wa hiya fi'lu al-abd, les actes des créatures sont des créations d'Allah également. C'est un acte de la créature et c'est créé par Allah. Hiya makhluqa lillahi jalla wa ala. Allah jalla wa ala yaqul Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah dit dans le Coran, sourate 39 verset 62, le sens: Allah a créé toute chose et c'est lui qui est garant de toute chose. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa huwa al-khallaqu al-alim. C'est lui le grand créateur. Khallaq, c'est sirat mubalagha. C'est le grand créateur et l'omniscient. Sourate Yassin, sourate 36 verset 81. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat Safat, surat 37, verset 96. Allah vous a créé et vos actes. Fahiya khalqullah jalla wa ala. Tout ça, ce sont des créatures d'Allah. Les créatures et leurs actes, ce sont des créatures d'Allah. Wahiya fi'lu al-ibad wa kasbu al-ibad bi ikhtiyarihim wa iradatihim. Et les gens agissent selon leur volonté et leur choix. Celui qui veut faire du bien, il fait du bien. Celui qui veut faire du mal, il fait du mal. Fayu'minu al-mu'minu bi hadhihi al-maratib al-arba'a. Le croyant doit avoir impérativement croire en ces quatre étapes. Comme quoi, Al-ilmu, Allah il a su toute chose. Al-kitabatu, il a écrit toute chose sur la tablette préservée. Al-mashi'atu wal-irada, la volonté, il a voulu ces choses-là. Que ces choses-là, elles existent. Que le mal, il existe. Al-kufr, que le sihr, il existe. Que le shirk, le riba, le khamr, tout ça, il a voulu que ça existe. Al-khalqu wal-ijad, et il a créé ces choses-là. Thumma al-mu'minu yarda biqada'i Allahi ou bilqada'i wal-qadr inda al-masa'ib. Donc, le croyant, il doit agréer le destin d'Allah. Il doit agréer le destin d'Allah, lors, notamment lors de malheurs, lors de choses qui lui arrivent dont il n'est pas, il n'agrée pas. Fala yajza'u wa la yaskhat. Faut pas qu'il se lamente ou qu'il se courrousse. Yakuffu nafsahu 'anil jaza'. Il s'abstient de se lamenter. Wa yakuffu lisanahu 'anit tashakki li ghayrillah. Il s'abstient de se plaindre à autre qu'Allah. Wa yakuffu yadahu 'an latm al-khudud wa shaqq al-juyub. Il abstient, il fait abstenir ses mains, c'est-à-dire ses membres. L'atm al-khudud, c'est le fait de se frapper, comme il faisait à l'époque de l'Jahiliya, frapper les joues. Al-khad, c'est la joue. L'atm, c'est le fait de gifler. Gifler ou frapper de manière assez violente. L'atm al-khudud, voilà. Et shaq al-juyub, shaq, c'est déchirer. Al-juyub, c'est les vêtements. Le fait de s'abstenir, de déchirer les vêtements, comme il faisait à l'époque de l'Jahiliya. Fahada huwa ar-ridha bil qada'i wal qadar. Voilà donc à quoi correspond le fait d'accepter ou d'agréer le destin qu'Allah il a prédestiné. Ta'lamu anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Donc tu sais que ce qui t'a touché ne pouvait pas t'esquiver et ce qui t'a esquivé ne pouvait pas te toucher. C'est-à-dire que ces choses-là sont prédestinées, ça t'a été prédestiné. Quoi que tu fasses, ça va te toucher. Si Allah il a prédestiné que ça te touche. Rawahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad wa Abu Dawud fi Sunanihi wa Ibn Majah fi Sunanihi min hadith 'Ubadah ibn as-Samit wa sahahu Ibn Hibban wa Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab fi Kitab at-Tawhid. Kama qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa la yatimmu al-iman illa bi hadha. La personne ne sera réellement croyante qu'à travers cela. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sabru ala hukmi Allah wal-iman bi aqdar Allah kulliha. خيرها وشرها حلوها ومرها والإيمان بما قال الله عز وجل قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. Évidemment, l'acceptation des décrets d'Allah, la patience face au jugement d'Allah, la foi quant à tout ce qui est dit provient d'Allah عز وجل, et la foi quant à tous les décrets d'Allah, bon comme mauvais, savoureux et amer, car certes Allah sait ce que ses adorateurs font et où leurs actions les mènent. Ils ne peuvent s'échapper de la connaissance d'Allah. Il n'y a rien dans les mondes ou dans les cieux qui soit méconnu d'Allah Azza wa Jalla. الشرح هذا سبق ذكره في أول درجات الإيمان بالقضاء والقدر. Donc, Cheikh dit qu'on a déjà parlé de ça auparavant, au début quand on a parlé de le fait de croire fermement au destin, bon soit-il ou mauvais. قال والاحتجاج بالقضاء والقدر إذا كان على المصائب التي ليس للإنسان فيها اختيار محمود لأنه يدل على الرضا والتسليم. Il dit le fait d'utiliser le destin en disant telle chose elle m'était prédestinée. Si c'est concernant le masaib, c'est-à-dire les différentes choses, différentes catastrophes, différents problèmes ou malheurs qui t'ont touché, dans, à propos desquels tu n'as aucun choix, aucune volonté. C'est-à-dire une chose, elle t'a touché, une catastrophe, un accident, un problème, c'était prédestiné. Mahmoud, c'est-à-dire c'est bien d'utiliser, de dire telle chose, elle m'était prédestinée, elle m'a touché, car ça montre que tu es totalement soumis au destin qu'Allah t'a prédestiné et tu te soumets à cela, tu l'acceptes. قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah dit dans le Coran et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui, c'est à lui que nous retournerons. Sourate 2, versets 155 et 156. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر على الأعمال السيئة التي هي باختيارهم وفعلهم فإنهم لا حجة لهم بالقدر عليها. Par contre, les gens qui utilisent le destin sur les mauvais actes qu'ils font. Ils font des péchés, ils font des choses qui sont mauvaises. Il ne fait pas la prière, il fait ceci, cela. Et il dit, c'est prédestiné. Allah, il a prédestiné que je n'allais pas faire la prière, je ne la fais pas. Bel yu'aqabuna. Bel yu'aqabuna. Qu'est-ce que c'est ? Yu'aqabuna a'malihim. Eh, on a une kassara sur l'âme. Bel yu'aqabuna. Attends, bi'amalihim. Il manque sûrement un bas. Il manque le bas devant bi'amalihim. Yu'aqabuna bi'amalihim hum wa tafriṭihim. Donc, il dit les personnes vont être châtiées si Allah il leur pardonne pas. Pourquoi ? À cause de leurs actes qu'ils ont faits et à cause de leur laisser aller. Wa babu at-tawbati maftuh. La porte, le domaine du repentir est totalement ouvert. Badala an tukhasim Allah taqul limadha qaddarta alayya wa tatruka at-tawba wa hadha min al-ajz al-madhmum. Badir bit-tawba wal-istighfar. Il dit bab at-tawba maftuh. La porte du repentir est totalement ouverte. À la place de tukhasim Allah, de dialoguer avec Allah dans le sens de lui dire pourquoi tu m'as prédestiné telle et telle chose et tu laisses le repentir, ça fait partie de l'incapacité et du discours qui est mauvais, qui est blâmable. Au contraire, badir bit tawbati wal istighfar, empresse-toi de te repentir et de demander pardon à Allah. Wa lum nafsaka, lum ça vient de non. Il dit en fait la personne qui fait pas la prière au lieu de dire à Allah pourquoi tu m'as prédestiné que j'allais pas faire la prière, tu peux changer de voie et te repentir et commencer la prière. Tu vois, parce que ça c'est des choses que toi tu veux. Tu veux maintenant arrêter la prière, tu peux, dans le sens que c'est dans ta volonté d'être humain. Tu veux faire la prière, tu peux, c'est dans ta volonté humaine. Femme Non, vous goûtez l'homme. L'homme, mais ça vient de l'homme, le blâme. L'homme nefsek. L'homme nefsek, c'est-à-dire blâme toi-même. Fahada huwa al-matloub min al-abd. C'est ça qui est demandé à la créature. An yanzura fi a'mali. Regardez ses actes. Wa al tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Que là, chaque personne, elle regarde ce qu'elle a avancé pour demain, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection. Hashr, surat 59, verset 18. Anzur fi a'malik. Wa bi imkanika taghyiruha wa at-tawbah minha. Regarde tes actes. Et il t'est possible de les changer et de refaire tout cela ou de te repentir. Wa al-istighfar, de demander pardon. Amma al-qada' wa al-qadar. فهو من شأن الله جل وعلا وليس من شأنك. Par contre, القضاء والقدر, ce qu'Allah t'a prédestiné, ça, c'est quelque chose qu'Allah t'a prédestiné et tu ne peux rien y changer. قوله لا يخرجون من علم الله. Tu sais qu'il se rappelle la phrase qu'on avait dit, القدر يحتج به في كذا ولا يحتج به في كذا. يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. C'est une phrase qui rime et qui est facile à retenir et qui résume tout. القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. C'est-à-dire, le qadr, tu peux l'utiliser quand il y a une catastrophe qui te touche. Mais tu ne l'utilises pas quand tu as un défaut, un handicap. Je ne fais pas la prière, je n'ai pas jeûné Ramadan, je ne veux pas faire le hajj, je ne veux pas ceci, je ne fais pas cela. C'est prédestiné. Il ne faut pas l'utiliser dans ce domaine, mais tu peux l'utiliser quand il y a une catastrophe qui te touche. Hein? Il m'est arrivé un accident, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, c'est tel séisme, il y a eu ceci, cela. Ça, tu peux utiliser le qadr parce que tu n'as aucune volonté indépendante dans ce domaine. قولهم ولا يخرجون من علم الله. كل شيء فالله به عليم. Chaque chose Allah il est parfaitement connaisseur. وبه محيط سبحانه وتعالى. Il le connaît, il le cerne. هو يعلم كفر الكافر وفسق الفاسق وظلم الظالم لا يخفى عليه يعلم طاعة المطيع وعمل المطيع. يعلم هذا وهذا. Il dit rien n'échappe à Allah. Il connaît la mécréance du mécréant, la débauche du débauché, l'injustice de l'injuste. Rien ne lui est inconnu. يَعْلَمُ طَاعَةَ الْمُطَيْعِ. Il connaît l'obéissance de celui qui est obéissant et il connaît l'acte de celui qui est pieux et droit. يَعْلَمُ هَذَا وَهَذَا. Il sait ceci et il sait cela. وَلَكِنَّهُ يُؤَخِّرُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتُوبُونَ. Allah, il accorde un délai aux créatures. Il accorde un délai aux créatures, leur laissant un délai pour se repentir. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être ils vont revenir. فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا أَمَامَهُمُ الحساب فالله لا يهملهم ابدا. Donc فان تابوا والا امامهم الحساب. S'ils se repentent, sinon va arriver le jour des comptes. فالله لا يهملهم ابدا. Allah ne va pas les négliger. Allah ان الله يمهل ولا يهمل. Allah يمهل, c'est-à-dire il t'accorde un délai, ولا يهمل, il ne va pas te négliger. Quand il va te saisir, c'est trop tard. قوله ولا يكون في الأراضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل. Il n'y a rien dans le monde, dans les cieux, qui soit méconnu d'Allah عز وجل. هذا كما سبق, comme on a parlé auparavant, كل شيء قد علمه الله ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل. Ce qui s'est passé au passé et ce qui va se passer dans le futur, كله أحاط الله به علما. Tout ça, Allah il sait. Et il cerne cette chose-là. لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى علمه وقدره وكتبه وشاءه وأراده وخلقه. Quatre étapes. علمه وقدره, donc il l'a su, il l'a prédestiné. كتبه, il l'a écrit. شاءه وأراده, il a voulu que ça se passe. وخلقه, et il a créé cette chose-là. قال المؤلف رحمه الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولا خالق مع الله عز وجل. Vous devez savoir qu'il n'y a rien qui ne vous touche sans que cela soit de nature à vous manquer et rien qui ne vous ait manqué qui n'était de nature à vous toucher. Il n'y a aucun créateur avec Allah. هذا نص الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. رواه الفرياني في كتابه أو في كتاب القدر والأجر في الشريعة. Donc il dit, voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas. وَعَلَمَ أَنَّمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. C'est-à-dire que... Vous devez savoir qu'il n'y a rien qui ne vous touche sans que cela soit de nature à vous manquer. طيب. مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Ce qui ne t'a pas touché, ne devait pas te toucher. مَا أَخْطَاكَ, c'est-à-dire ça ne t'a pas touché. Ça ne devait pas te toucher, c'est prédestiné comme ça. لو حرصت عليه وتريده, même si tu as été très attentif, tu as fait toutes les causes pour que cette chose-là tu l'atteignes, mais Allah il a prédestiné qu'elle ne va pas te toucher. لكن أخطأك فاعلم أن الله لم يقدره لك. Allah ne te l'a pas prédestiné. وما أصابك لم يكن ليخطئك. Ce qui t'a touché ne devait pas t'éviter. Ce qui t'a touché, elle t'était prédestinée, elle va te toucher coûte que coûte. فلا تقل لو أني فعلت كذا ما أصابني. Ne dis pas si j'avais fait telle chose, je n'aurais pas été touché par telle chose. قوله ولا خالق مع الله عز وجل. هذا تابع لمراتب القضاء والقدر. Il n'y a pas de créateur avec Allah. Ça suit les différentes étapes qu'on vient de voir du destin. فيه الرد على من يقول أن العبد يخلق فعل نفسه. Il y a là-dessus une réplique sur ceux qui disent que la créature elle crée son propre acte. فالله هو المنفرد بالخلق جل وعلا. لا أحد يخلق معه فهو من خلقي. فهو من خلق الله وحده سبحانه وتعالى. n'y a pas de créateur avec Allah. C'est Allah le créateur à l'absolu. Et le seul créateur. وَلِهَذَا يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِتُونِي بِكِتَابٍ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Ahqaf, verset numéro 4, dit: que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils dans les cieux une participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Et il dit aussi dans le Coran, surat Al-Hajj, surat 22, verset 73. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارِ. Et il dit dans la surat 13, surat Al-Ra'd, surat Tonnerre, verset 16. Où donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les décréations se soient confondues à Allah? Dit: Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. وَلِهَذَا وَصَفَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى الْمُصَوِّرِينَ بِقَوْلِهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ. Allah il a caractérisé le Musawwirin, c'est-à-dire ceux qui façonnent. Dans un hadith Qudusi, en disant: qui est plus injuste que celui qui cherche à créer comme moi je crée? بِمَعْنَا أَنَّهُ يُحَاوِلُ أَنْ يُوجِدَ شَكْلَ مَا خَلَقَهُ اللَّهِ. Il cherche à donner existence à la même création qu'Allah a créée. فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً وَفِي رِوَايَةٍ أَوْ لِيَخْلُقُ ذَرَّةً رواه البخاري في صحيح مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dans le hadith, à la fin, Allah dit: فَلْيَخْلُقُ حَبَّةً, qu'il crée ne serait-ce qu'une graine, ou bien qu'un grain d'orge, et dans une version, qu'il crée ne serait-ce qu'une petite fourmi. لَا أَحَدَ يَسْتَطِعُ هَذَا. Personne ne peut faire cela. وَلَوْ اسْتَطَعَ صِنَعَةَ الصُّوَرِ لَمْ يَسْتَطِعْ إِجَادَ الْحَيَاةِ فِيهَا. Même s'il peut la façonner de la meilleure manière, il ne pourra pas lui insuffler l'âme ou la création. Monsieur, c'est quoi le de la phrase que tu as dit, qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui veut créer comme Allah il a créé. Il cherche à façonner, ça veut dire il façonne quelque chose, comme Allah il façonne les créatures qu'il a données, mais ils ne peuvent pas lui insuffler l'âme. Tu vois? C'est pour ça que c'est interdit le fait de prendre en photo ou bien de dessiner une âme, quelque chose qui a une âme, parce que tu cherches à te ressembler, à te concurrencer la création d'Allah. لا أحد يستطيع هذا ولو استطاع صناعة الصور لم يستطع إيجاد الحياة فيها فالحياة هي من خلق الله جل وعلا لا أحد يستطيع حتى لو صور الصورة دقيقة والشكل لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. Donc le cheikh dit, même si quelqu'un il dessine d'une manière très précise et il donne à chaque chose sa part, etc., tu as l'impression que c'est du vrai, mais il dit il ne pourra pas insuffler l'âme dans le corps. ويوجد فيها الحياة هذا خلق الله سبحانه وتعالى ولهذا يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم من باب التعجيز وتعذيبا لهم. C'est pour ça le jour de la résurrection, comme il est dans le hadith رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه, qu'Allah va leur dire à ces gens-là: أحيوا ما خلقتم, insufflez l'âme à ce que vous avez créé, tout en sachant qu'ils ne pourront jamais insuffler l'âme. من باب التعجيز, c'est pour leur montrer leur incapacité, وتعذيبا لهم, et pour les châtiers. قال المؤلف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع, وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء, وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les takbir pour la prière de al-janaza, prière mortuaire, sont au nombre de quatre, et ceci est un dire de Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, Al-Hassan ibn Salih, Ahmad ibn Hanbal et les jurys consultent Fuqaha, et ceci est en conformité avec les dires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. الشرح: هذه مسألة فرعية لكن ذكرها هنا للخلاف فيها. Donc ça c'est un sujet فرعي, يعني c'est pas un sujet de base fondamental, mais il dit, il l'a cité ici للخلاف فيها, car il y a une divergence à son sujet. وليبين السنة في ذلك, pour montrer quelle est la position de Ahl-Sunnah à ce sujet. Lien al-Kitab ismuhu Sharh al-Sunnah. Wal mashhuru 'inda Ahl-Sunnah wal Jama'ah wal A'imma an at-takbira 'ala al-janaizi 'ala al-janazati arba'u takbirat. Donc il dit ce qui est connu chez les savants de Ahl-Sunnah et les imams qui ont cette conviction, cette voix, que takbir sur le janaza, combien de fois tu fais takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar quand tu pries sur un corps, tu pries sur un défunt, 4 fois. Kama fil hadith as-sahih, comme c'est venu dans le hadith authentique. Anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salla 'ala an-najasi salat al-gha'ib wa kabbara 'alayhi arba'an. Rawahu al-Bukhari fi sahih wa Muslim fi sahih an Abi Hurayra radhiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur an-najashi. Negus, c'est le roi qui était à la base chrétien qui s'est converti à l'islam de l'Abyssinie, l'Éthiopie. Salat al-gha'ib, la prière de l'absent, c'est-à-dire le corps il n'était pas là, ils ont prié une prière mortuaire sur lui. Et il a fait 4 fois takbir. 4 fois. Wa ghalibu al-hadith 'ala arba'. La plupart des hadiths viennent citer qu'il faut faire 4 takbir. Fi ba'dihi ziyada 5 aw akthar. Dans d'autres hadiths comme quoi tu peux en faire plus de takbir, 5 ou plus encore. لكن الذي اجمع عليه المسلمون هو الاربع. Mais ce sur quoi il y a unanimité, c'est 4 takbir. وما زاد عنها فمحل خلاف. Plus que 4, il y a divergence. والمسلم لا يذهب للخلاف ويترك المجمع عليه والمتفق عليه. Il dit le musulman ne doit pas aller vers la divergence en délaissant là où il y a unanimité. Il sait que son acte va être conforme et va vers la divergence. Là. ويشوش على الناس. Il va provoquer doute et chuchotement et problème chez les gens. Khususan a'immat al-masajid la yashawishun 'ala an-nas, surtout les ceux qui dirigent les mosquées, les prières dans les mosquées, les imams ne doivent pas causer de discorde auprès des gens ou bien les troubler. Lianna an-nas ma'tadu az-ziyada 'ala arba'. La plupart des gens sont pas habitués à prier plus que 4 takbirat. Fa idha aradta an taf'alahu faf'alhu li nafsik wa la tashawish 'ala an-nas wa ta'ti lahum bi aqwal ash-shadha wa ar-riwayat al-mukhtalifa. Si tu veux le faire, fais-le quand tu es seul. Mais ne mets pas la masse des gens avec toi. Tu vas les troubler. Ils vont plus rien. Ils vont plus rien saisir. قال فهذا ليس من شأن طلبة العلم. Ce n'est pas comme ça qu'agissent les gens qui ont un minimum de savoir. Les gens qui étudient la science religieuse. طلبة العلم يؤلفون بين الناس. طلبة العلم, les gens qui ont un minimum de connaissances, ils cherchent à réunir les gens. ولا يشوشون عليهم. Et pas à provoquer de discorde ou de divergence. وَيَعْمَلُونَ بِمَا أُجْمِعَ عَلِهِ. Ils agissent en concordance avec ce qui est unanime. يَتَقَيَّدُونَ بِهَذَا. هَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَهَذَا هُوَ غَرَضُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ إِرَادِ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُتَّفَقْ عَلِهَا. Donc ils disent ça qui est demandé. Et c'est pour ça que l'auteur a cité ce point-là, qui n'est pas directement en relation avec la conviction, mais pour montrer que c'est sur ce point-là, 4 takbirat qu'il y a, que tout le monde est d'accord. فلا يزاد عليها ويشوش على الناس في ذلك. Faut pas, comme on a dit avant. قوله وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل. Arrête de traduire. Vas-y, traduis quand même. Ceci est à dire de Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, imam d'Ar al-Hijra. Donc l'imam Malik ibn Anas, imam d'Ar al-Hijra. Donc il était à Médine, rahimahullah, wa ahadul a'immati al-arba'a, et qui est un des 4 imams. Je connais l'imam Malik, toufa sanat 179. Il est mort en 179. Il est né en 93, il est mort en 179. Là, Malik. Al-Thani, Sufyan al-Thawri. سفيان ابن سعيد الثوري الإمام المشهور من الأئمة من أئمة الفقه مولود سنة 97 متوفى سنة 161 إلى مورن 161 من الهجرة. الثالث الحسن بن صالح ابن حي, هذا ما نعرفوش, وهذا من الأئمة الكبار. الشيخ دي في partie des grandes références. وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة, وهذا قلنا 164 264-241. Donc, ça c'est leur parole. Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, al-Hasan ibn Salih, Ahmed ibn Hanbal. قوله الفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les jurisconsultes, les fuqaha, ils ceci est en conformité avec les dires du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa qawl kathir min al-fuqaha tab'an li sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole de nombre de juristes en conformité avec la sunna du messager. فلا ينبغي لطالب العلم ان يشوش على الناس بحجه انه يعرف ان هناك قولا او حديثا في الزياده. Il dit donc, étudiant qui minimum de science, minimum de connaissances, ne doit pas provoquer de discorde ou de trouble chez les gens en leur disant si je connais un hadith où il y a plus que cela, tu peux faire plus que cela. كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل ولا ياتون بما يشوش على الناس. Les savants connaissent divergence dans beaucoup de points et ne la citent pas pour ne pas provoquer de discorde et de trouble chez les gens qui ne peuvent pas comprendre ou atteindre cette profondeur dans la compréhension. وما يخالف ما جرى عليه العمل, et qui n'est pas en divergence avec ce sur quoi les gens ils font. Et les gens ils font quatre takbirat, tu vas leur provoquer une discorde et un trouble si tu leur ramènes plus que cela. Boss. قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن مع كل قطرة ملك ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. Il faut avoir foi que pour chaque goutte de pluie, un ange descend du ciel et la place où Allah عز وجل le décide. لا شك أن الله جل وعلا ينزل المطر من السماء بقدر. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. Donc il dit il n'y a pas de doute que Allah fait descendre la pluie du ciel biqadr, c'est-à-dire il fait descendre une quantité qu'il considère une quantité considérable conformément au verset dans surat avec mesure, et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre. Surat 23 verset 18. Allahu jalla wa ala qaddara nuzul al-amtar wa qaddara maqadiraha wa kammiyatiha. Donc Allah il a, si on peut dire, mesuré, considéré ce qui allait descendre comme pluie, comme eau, et la quantité, wal-ard allati tanzilu alayha, sur quelle terre ça allait descendre. Yusarrifuhu subhanahu wa ta'ala kayfa yasha, fayasuquhu wa ya'muruhu fayumtiru wa ya'muruhu fayumsik wa ma'ahu malaika. Donc, il dirige ça comme il le veut, comme Allah le veut, il ordonne la pluie descend, il ordonne la pluie s'arrête. ومعه ملائكة, il y a des anges avec. وجاء في وصف ميكائيل بأنه موكل بالقطر والنبات. C'est venu dans les caractéristiques de l'ange Mikael, Mikael ou Mikael, les deux appellations sont thabita. Comme quoi, موكل بالقطر والنبات. Comme quoi, c'est sa fonction, les gouttes, et l'eau, et la pluie, etc. Et les plantes. فالملائكة يقومون بأعمال وكلها الله إليهم. Les anges, ils ont une fonction. Chacun, il a sa fonction. Conformément à ce qu'Allah lui a ordonné. Wa min dhalika al-qatr. Parmi ces fonctions-là, il y a donc la pluie. On va prendre un. Ça va être là, maintenant. De quoi? Chaque goutte, il y a un an. Chaque goutte. Wallahi, madri. Chaque goutte, lakin. Est-ce que le Cheikh, il a cité chaque goutte? Aoud, la traduction, Adil. Il a dit il faut avoir foi que pour chaque goutte de pluie, un ange descend du ciel et la place où Allah Azza wa Jalla le décide. Nas'al inshallah. Adri. Est-ce qu'il y a un hadith là-dessus spécifique? Non? Je dois pour nous. Donc, ça fait 50 minutes. Il faut que les Khouan et Mashral. 327. On s'arrête là ou quelqu'un va rajouter quelque chose? Oui. Non? J'avais une question au début du cours. Au début du cours, t'as parlé des droits pour le jour de la résurrection, que les fils d'Adam ils auront les uns envers les autres, mm-hmm. et les animaux les uns envers les autres. Mm-hmm. Et est-ce que les animaux ils auront un droit sur les hommes? Si maître a maltraité un animal le jour de la résurrection, l'animal il récupérera ses droits. L'animal aussi il a des droits, oui. C'est venu dans le hadith là-dessus, les savants ils ont cité à plusieurs reprises. Le hadith de la mar'a qui est châtiée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le mi'raj. Une femme qui est châtiée fi hirra à cause d'un chat. La hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard. Ni elle lui a laissé manger, ni elle lui a donné à manger, ni elle l'a laissé manger de ce qu'il y a sur le sol et la terre. Et elle est rentrée en enfer à cause de cela. Et nombre de hadiths sur les animaux, une femme de Bani Israël avec un chien, ou un homme avec un chien qui a donné à boire à un chien. Etc. Le hayawan, il a des droits aussi. T'as une fatwa, Cheikh Bamba, sur l'oiseau. Est-ce que tu peux le garder en cage? J'ai dit, si jamais tu t'en occupes, tu fais attention, tu lui donnes à manger, à boire. Là-bas, si tu sais que tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas faire le minimum qu'il y a à son égard, tu ne gardes pas un oiseau en cage. Tu lui redonnes sa liberté, tu le laisses comme ça, tu ne seras pas jugé sur cette chose-là. Wallahu a'lam. صارت لا إن شاء الله هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله.